Il est 18h sur CKRL 89.1 et vous écoutez Futur Simple. Alors après la perception des aliments selon les allégations inscrites sur les emballages, nous allons glisser assez naturellement vers l'obésité. L'obésité est généralement présentée comme un facteur de risque de maladie chronique, mais la relation obésité-maladie chronique n'est pas tout à fait systématique. C'est ce qu'on appelle les paradoxes de l'obésité. Et c'est avec Anthony Carilis, professeur à la Faculté des sciences de l'Université du Québec à Montréal, que nous allons découvrir ces paradoxes. Bonjour, M. Carilis. Bonjour. Alors, d'abord, avant d'aborder cette question des paradoxes de l'obésité, j'aimerais qu'on fasse un rappel, s'il vous plaît, des risques associés à l'obésité, donc des maladies chroniques qu'elles peuvent entraîner, par exemple. OK. L'obésité est associée avec plusieurs différentes maladies chroniques, tels que le diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires, certains cancers, même l'Alzheimer et aussi des problèmes d'arthrite, des problèmes aussi de apnée, mm-hmm. de sommeil d'apnée. Mm-hmm. D'accord. Donc, il y a quand même généralement une prévention qui induit à penser que quelqu'un qui a surpoids ou de l'obésité est plus à risque de développer l'une ou l'autre de ces maladies. C'est exactement. En général, oui, il y a un risque que quand on est obèse, on associe à toutes ces différentes maladies chroniques-là. Mais je peux vous dire que oui, dans les dernières années, on a prouvé que il y a comme une sous-population qu'on appelle les obèses métaboliquement en santé, mais obèses, et qui sont moins à risque à développer toutes ces complications métaboliques-là et maladies. C'est ça. Donc, cette relation n'est pas, comme je disais un peu en introduction, donc la relation entre obésité et toutes les maladies chroniques n'est pas systématique. Donc, comme vous dites, il y a des personnes, par exemple, qui sont non obèses et qui présentent quand même certaines caractéristiques sur le plan métabolique des personnes obèses. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est ça. Alors, ça veut dire que l'obésité n'est pas hétérogène. Alors, on ne peut pas les voir tous de la même façon. Alors, il y a des obèses que, oui, ils sont moins à risque à développer des maladies chroniques. Que aussi, il y a le vrai aussi, c'est que tu peux être un poids normal et aussi avoir un risque de développer des complications métaboliques associées à l'obésité. Alors, comment ça s'explique? Mais c'est, on est en train de regarder ça le plus à la littérature et on a fait des études sur ça. Mais en général, on pense que les personnes qui sont obèses, mais qui sont en santé, on pense qu'ils peuvent stocker leur gras sous la peau mieux que les personnes qui sont à risque, mais qui sont bêtes. Alors, l'habilité de rentrer le gras en dessous de leur peau, ça, c'est qu'on peut dire du bon gras. C'est associé avec aucune complication métabolique. Mais si tu peux pas mettre ton gras en dessous de la peau, qu'est-ce qui va arriver? Ça va couler, puis ça va aller plus dans ton sang, ça va aller dans ton foie, ça va aller dans ton muscle, le gras viscéral va augmenter aussi. Alors, c'est une habilité à garder le gras dans un compartiment qui semble être correct, mais quand c'est pas dans ce compartiment-là, c'est là où les problèmes peuvent arriver. D'accord. Donc, ça, c'est le cas des personnes obèses, mais qui réussissent à garder, leur gras, sous la peau, au lieu de le faire aller dans les viscères ou dans le sang, par exemple. Mais comment on le sait quand on voit une personne obèse? Une personne qui est obèse, comment elle peut savoir si elle appartient à cette catégorie-là ou à un obèse à risque? Finalement, comment elle peut savoir s'il est à risque ou pas de développer des maladies? Il faut faire un dépistage sanguin. Il faut aller voir le médecin puis faire quelques tests. On peut regarder. Alors, on peut pas juste le faire juste en regardant la personne là. Il faut aller vraiment regarder plusieurs paramètres dans le sang comme le bon cholestérol, le HDL, le gras dans le sang, le sucre dans le sang, la pression artérielle. Tout ça, ça peut être des facteurs qu'on peut commencer à identifier ces personnes-là. Parce que j'imagine que pour les personnes qui sont obèses et qui finalement ne sont pas à risque parce qu'elles arrivent à stocker leur gras dans les compartiments sous la peau, là par exemple, donc qui les empêcheraient de développer des maladies, bon finalement, c'est peut-être pas trop grave si elles savent pas dans quelle catégorie d'obèses elles sont. Mais pour les personnes qui ont apparemment un poids santé, c'est peut-être important pour elles de pouvoir savoir si au contraire elles sont à risque. Oui, je suis d'accord. C'est quelque chose que je crois qu'il faudra faire et c'est pour ça que c'est important de faire des dépistages chaque année pour ces personnes-là parce que eux ils pensent que parce qu'ils sont jeunes et un poids normal, ils pensent que tout est correct alors que peut-être c'est pas toujours le cas. Alors, aller voir le médecin une fois par année pour voir si tout est correct, je crois que et c'est quelque chose qu'il faut recommander à faire. Mmh. Est-ce qu'on a une idée de combien de personnes sont concernées par ces différentes catégories de, bon, je ne sais pas comment on doit les appeler, des personnes saines mais avec des complications métaboliques ou des personnes obèses mais sans complications métaboliques, je ne sais pas comment on peut les appeler. Est-ce qu'on a une idée de si c'est juste une petite proportion de la population, quelques individus par-ci par-là ou quand même un nombre important? Non, il semble que c'est pas quelque chose à négliger. Des études épidémiologiques ont montré que pour les personnes qui sont obèses mais en bonne santé, ils peuvent représenter jusqu'à 31% de la population obèse. Alors, c'est quand même assez haut. Et pour les personnes qui sont de poids normal mais qui peuvent développer des complications métaboliques, eux peuvent être jusqu'à 24% de la population de poids normal. Donc, tous ces 24% de la population de poids normal sont des gens qui peut-être surestiment leur état de santé aussi. Oui, c'est pour ça que le poids comme tel, il ne faut pas juste le voir comme si moi je suis de poids normal, ça veut dire que je suis en bonne santé. Alors moi je crois qu'il faut faire attention quand on utilise le mot de poids santé. Oui, parce c'est que ça. Ça n'existe pas ça vraiment, je crois qu'il faut juste prendre une petite prudence pour assurer que c'est vraiment le cas ou non. La même chose pour les personnes qui sont obèses mais qui sont en bonne santé, eux, on ne peut pas dire qu'ils ont vraiment un poids santé ici. Moi, je dirais plus le mot poids normal. Mais comment on détermine ça, le poids normal? Est-ce que ça veut encore dire quelque chose? Oui, mais c'est juste d'écrire, c'est juste de mettre une personne dans une catégorie que d'autres. Ouais, comme on a des personnes de poids normal, en surpoids et obèse, c'est tout. Ouais. Il faut faire juste attention comment on va se tisser avec une bonne santé ou non. Est-ce que, parce que vous avez parlé du gras qui va se loger, par exemple, sous la peau ou peut-être de façon dans l'abdomen, puis on entend dire des fois que le gras qui va dans l'abdomen, c'est pas un gras c'est pas forcément du bon gras ou que c'est des signes aussi, des facteurs de risque aussi, des maladies chroniques. Donc, est-ce que ça peut être une façon un petit peu au premier abord de voir, j'ai un certain poids, mais j'ai pas de masse de gras abdominal, donc je fais peut-être partie des 30% il faut faire attention un peu avec ça. Oui, prendre une mesure d'abdomen, le plus grand que c'est plus risque, c'est plus à risque pour des complications métaboliques. C'est vrai ça. Mais pour ces personnes-là qui sont de poids, qui sont bêtes, mais qui sont en santé, eux, ils ont aussi une plus grand abdomen. Mais c'est que eux, ils ont encore beaucoup de gras sous-cutané. On peut pas mesurer le mauvais gras, qui est le gras viscéral. Juste avec prendre un tour de taille, il faut aller faire des tests poussés pour faire ça. Alors, mais quand même, c'est un plus grand risque de regarder ça. Si on compare, mettons, pour le gras qui est au-dessus des jambes ou des fesses, ça c'est un gras qui est associé avec une bonne santé. L'abdomen c'est moins ça, parce qu'à cause de ce gras viscéral là, mais qui est en dessous, on peut pas le voir. Mais quand même, il faut le faire, mais il faut encore faire des tests un peu plus poussés. C'est pour ça qu'il faut prendre une test de prise de sang pour voir vraiment si cette personne est en bonne santé ou non. Et quand on regarde donc les personnes qui sont obèses mais qui sont finalement qui n'ont pas de complications métaboliques, est-ce que si on étudie leur métabolisme, donc là vous vous expliquez un petit peu comment ça se passe, est-ce que si on étudie donc leur métabolisme, est-ce que ça peut donner des pistes de compréhension et aussi d'intervention auprès des personnes obèses qui elles souffrent de maladies chroniques? Ouais, alors qu'est-ce qu'on fait avec cette personne-là? Alors, en fin de compte, en termes d'intervention, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Est-ce que, si on étudie les personnes obèses mais qui n'ont pas de complications de maladies chroniques, etc., donc est-ce que la compréhension de leur métabolisme à ces personnes-là peut nous aider à trouver des traitements ou des mécanismes d'intervention pour les obèses qui, eux, ont des problèmes de maladies chroniques? Oui, c'est vraiment ça où on veut aller avec pourquoi on étudie ces personnes-là. On veut savoir exactement quels sont les facteurs qui peut-être sont les plus importants qu'on devrait regarder. Puis si on voit qu'il y a une grande différence entre ces deux groupes-là, mais là on pourrait commencer à développer des médicaments qui pourraient aider l'autre groupe d'obèses de cette population-là. Alors j'espère que oui, ça m'a donné des grandes pistes pour trouver des traitements plus efficaces pour traiter les personnes qui sont qui ont des problèmes avec l'obésité. Mmh. De ce que je comprends, de tout ce que vous dites, par exemple, c'est qu'il faut regarder l'obésité de façon plurielle. Hein, vous l'avez dit au début, s'il n'y a pas une, mais des obésités, finalement, faut peut-être reconsidérer notre notion de ce qu'on appelle le poids santé. Mais d'un autre côté, faudrait pas non plus banaliser l'obésité. Il y a quand même une large proportion de personnes pour lesquelles ça reste un facteur de risque. Faudrait pas non plus que ces propos-là fassent penser à certaines personnes obèses. Oh ben non, je suis obèse, mais il y a des gens qui sont obèses et ils sont en bonne santé, donc ça a pas d'importance. Faudrait pas banaliser pour autant, n'est-ce pas? Oui, alors c'est ça. Pour le message qu'il faut donner, c'est que l'obésité est hétérogène. Alors, il faut pas tout voir tout le monde de la même façon. Et aussi, le message que moi je voudrais donner, c'est que j'espère que les gens vont pas penser, mais si moi je deviens obèse, j'espère d'être dans le groupe qui va être en bonne santé. Si on peut éviter l'obésité carrément, là, ce serait mieux. Mais aussi d'augmenter sa dépense énergétique. Je crois que c'est ça le message qu'il faut donner à la population. D'augmenter la dépense énergétique, donc d'aller bouger. Oui, faire plus d'activités physiques, c'est ça. Oui, c'est ça. D'accord. Bon, je pense que c'est un très bon conseil, on va tâcher de le suivre. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Carilis. Merci beaucoup. Donc, je rappelle que vous êtes professeur à la Faculté des sciences de l'Université de l'ICAM, de l'Université du Québec à Montréal. Merci beaucoup. Bonne soirée, au revoir. Donc, maintenant, après ces divers conseils, aussi bien de Karine Gravel sur Faites attention aux emballages et maintenant du docteur Carilis bouger. Eh bien, on va passer en pause musicale sur les ondes de CKRL au 89.1.